C'était incroyable. Puis on nous a même demandé dans nos premiers matchs hors concours de garder déjà une minute de silence avant chaque match, dans les autres 15 équipes de la Ligue. Et je suis convaincu, oui, qu'il y aura sûrement un trophée des honneurs pour Denis Bayarger. C'est un grand bâtisseur. Autant au hockey qu'au baseball. Au golf, c'était le Miom Senior qui se déroulait sur les allées du club de golf Lac-Saint-Jean. Et hier, à noter que du côté de la classe 50-59 ans, Gilles Larouche de Saint-Prime a remporté la victoire avec une ronde de 79. À noter également que dans la classe aussi du côté de 65-69 ans, Marco Terrien de Dolbeau a terminé ex aequo avec Claude Châteauneuf de Chicoutimi. Ils ont terminé à 78. Et je termine maintenant avec une petite nouvelle de hockey. Olivier Duchesne sera de retour avec le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini pour la prochaine saison. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec plusieurs intervenants du monde du sport. Michel Simard vient nous parler du décès de Denis Bayarger. Richard Letourneau vient nous parler de la position des Saguenayens face au projet qui a été présenté mardi midi à la Chambre de commerce de Ville-Saguenay concernant le nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay. Et également, Simon Tremblay, lui, vient réagir également au dossier de l'heure à Ville-Saguenay. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.